بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام العلامة أحمد بن علي المقرزي رحمه الله تعالى ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف وما زلنا ما قال المصنف أهل مقام إياك نعبد وتوقفنا عند ذكره في الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان توقفنا عند هذا الكلام ثم ذكر قسمين العوام والخواص قال للعوام ظنوا أن هذا غاية وشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادات ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادات ورأسها وقال عند ذكر الخواص قال رأوا هذا مقصودا لغيره وأن المقصود به عكوف القلب عن الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان ثم قال ثم هؤلاء قسمان فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم ثم قال والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل فكيف بقلب كل أوقاته ورد ثم هؤلاء أيضا قسمان. On va continuer, inshallah, sur la lecture du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Donc on est toujours sur l'explication et la mention des quatre tendances. Des quatre tendances liées à l'explication du verset Iyyaka na'bud concernant l'adoration. L'auteur, après avoir cité la première catégorie, as-sinf al-awwal, faqala fi as-sinf al-awwal, عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها هذا القول عند الصنف الأول قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة عندهم وقلنا هذا فيه نظر أن الأجر على قدر المشقة هذا فيه نظر وروا حديثا ليس له أصل قالوا أفضل الأعمال أحمزها أي بمعنى أصعبها وأشقها وهؤلاء من أرباب أو هم أرباب المجاهدات والجر على النفوس قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك. Donc ça, on l'a étudié dans l'assise précédente. Ça, c'était concernant la première tendance. Ceux qui pensent que la meilleure adoration, c'est la plus dure. On avait parlé de cette tendance. La deuxième tendance, pour revenir maintenant au Sinf Athani. La deuxième tendance. Eux, on a dit, c'est ceux qui considèrent que la meilleure adoration, c'est Az-Zuhd. Et le renoncement à cette vie d'ici-bas. On a bien explicité cela dans l'assise d'hier, dans le cours d'hier. Donc eux, ils considèrent que La meilleure adoration, c'est az-zuhd, l'ascétisme. Et le renoncement de cette vie d'ici-bas. Sauf que dans l'explication, on a appris que leur conception du zuhd n'est pas forcément bonne. Leur conception du zuhd, à la base, n'est pas ce qu'enseignent les grands savants. Et de ce fait, du fait que leur conception du zuhd était erronée dès le départ, alors ensuite, leur jugement a été impacté par cette mauvaise conception. C'est pour ça que l'auteur du commentaire, lorsqu'il dit, il dit « وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِحٍ الزُّهْدُ لَيْسَ هُوَ تَرْكَ الدُّنْيَا » Il dit « الزُّهْدُ لَيْسَ تَرْكَ الدُّنْيَا بَلْ الزُّهْدُ هُوَ تَرْكَ الْحَرَمْ وَتَرْكَ الْفُضُولِ الزَّائِدَةِ عَنِ الْحَاجَةِ » Et donc on avait appris qu'en réalité, l'ascétisme, ce n'est pas le délaissement de cette vie d'ici-bas, mais c'est plutôt le délaissement de l'illicite. Et aussi le délaissement du surplus. وَهَذَا هُوَ الزُّهْدُ وَتَرْكَ مَا بِأَيْدِ النَّاسِ وَطَلَبْ الرِّسْقِ وَلِسْتِغْنَاءِ عَنِ النَّاسِ هَذَا هُوَ الزُّهْدُ Et donc les savants disent qu'en réalité, الزُّهْد, c'est le fait de délaisser ce qui est entre les mains des gens, le fait de délaisser le surplus, et le fait aussi d'aller travailler, d'aller chercher son risque, ça, ça fait partie du زُهْد. وَلِسْتِعْنَا عَنِ النَّاسِ وَهَذَا هُوَ الزُّهْدُ Et donc, hier, on s'est arrêté sur cela, sur l'explication, la bonne compréhension du زُهْد. Donc, ceux qui pensent que le زُهْد, c'est le fait de délaisser, le fait de chercher sa subsistance, le fait de délaisser complètement, de renoncer à cette vie d'ici-bas, les savants enseignent que la réalité et le vrai sens de الزُهْد n'est pas celui-ci, mais c'est plutôt délaisser الحرام. ولذلك قلنا أن من أفاضل الصحابة منهم أصحاب الثروة مثل عثمان وابن عوف وهما من العشرة المبشرين بالجنة فهم من أفاضل الصحابة وما تركوا الدنيا ولكنهم جعلوها مطية للآخرة. Et donc on voit que parmi les meilleurs compagnons, on avait appris qu'il y avait minhum ashab tharwa, des gens qui avaient des biens et de la fortune, ils n'ont pas renoncé complètement, ils ont cherché leur subsistance, malgré qu'ils font partie des meilleurs compagnons, on avait dit, et des 10 annoncés au paradis. Donc ça, c'est en révision de ce qu'on a appris hier, donc on va continuer. Alors l'auteur nous dit, lorsqu'il a passé, il a parlé de cette catégorie, donc as-sinf thani, عندهم أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا كما قلنا والتقلل منها غاية الإمكان. Et donc pour eux, la meilleure adoration, comme on l'a dit précédemment, ça serait de renoncer à ce bas monde et de se contenter du strict minimum. Pour eux, alors, ça serait de se contenter du strict minimum, et donc l'ascétisme à leurs yeux et le comble et le sommet de l'adoration. C'est ça pour eux l'ascétisme. Et donc l'auteur nous dit qu'il y a deux catégories. On a appris qu'il y a deux catégories. Il dit la catégorie de Al-Awam. Il dit Awamuhum. Et la catégorie de Al-Khawas. Khawasuhum. Al-Awam, donc on avait étudié ça hier, les gens qu'on dit plus de la masse, eux c'est ceux qui considèrent que l'ascétisme c'est le but en soi, comme on a expliqué hier. C'est ceux qui considèrent que l'ascétisme, le renoncement de cette vie d'ici-bas, c'est l'objectif en soi. C'est mieux que l'étude de la science, l'apprentissage de la science, c'est mieux que l'adoration pour eux. Ils considèrent que az-zuhd, c'est ça, l'objectif en soi. C'est le comble et le sommet de l'adoration. Par contre, l'élite, al-khawas, eux non. Eux, ils considèrent pour leur part que l'ascétisme est plutôt un moyen de parvenir à l'objectif, bien plus noble. Il consiste à vouer son cœur à l'adoration d'Allah en le remplissant de son amour et de sa dévotion. Donc là, écoutez bien. Donc on va reprendre ici. Eux, Farao, afdal al-ibadat. Et eux, donc, ils ont considéré que la meilleure adoration, أن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه. Ils ont considéré cela. والاشتغال بمرضاته فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. Et donc eux, ils ont considéré, par contre, les gens de l'élite qui font partie de cette deuxième catégorie aussi. Ils ont considéré pour leur part que l'ascétisme est plutôt un moyen. Ce n'est pas l'objectif en soi. Ce n'est pas l'objectif en soi. Mais plutôt un moyen de parvenir à un objet bien plus noble. Et ils disent, ils considèrent, donc il consiste à vouer son cœur à l'adoration d'Allah en le remplissant de son amour et de sa dévotion. Ils disent alors, l'individu s'en remet ainsi totalement à lui, et toute son attention est consacrée à son agrément. Et donc la meilleure adoration serait donc, ils disent donc, la meilleure adoration serait donc d'évoquer Allah en permanence avec le cœur et la langue. Avec le cœur et la langue. Ça, sur ce point-là, que la meilleure adoration serait d'évoquer Allah en permanence avec le cœur et la langue, beaucoup de savants ne voient pas d'objection à cela. Et l'auteur de Ifadat al-Mustafid dit même « وَهَذَا صَحِيح » Cette partie-là, le fait de dire de ce serait d'évoquer Allah en permanence avec le cœur et la langue, les savants disent « وَهَذَا صَحِيح » Lorsqu'il est dit « دَوَامْ ذِكْرِهِ بِالْقَلْبِ وَالْلِسَانِ » « دَوَامْ ذِكْرِهِ بِالْقَلْبِ وَالْلِسَانِ » Il dit ça, il n'y a pas d'objection à cela, cela est authentique. Le fait d'évoquer Allah Azzawajal en permanence, avec le cœur et avec la langue. Avec le cœur et avec la langue. Sur la problématique concernant ce point de vue-là n'est pas sur cette partie-là. Mais sur la partie qui consiste à dire avouer son cœur à l'adoration d'Allah en la remplissant de son amour et de sa dévotion, l'individu s'en remet ainsi totalement et à toute son attention et consacré à son agrément. Ils disent, donc cette partie-là est bonne lorsqu'ils disent « Il consiste à vouer son cœur à l'adoration d'Allah en le remplissant de son amour et de sa dévotion. L'individu s'en remet ainsi totalement à lui et toute son attention est consacrée à son agrément. La meilleure adoration serait donc d'évoquer Allah en permanence avec le cœur et la langue. » Par ailleurs, l'élite se divise en deux catégories. Sauf que l'élite, cette catégorie-là, ensuite elle se divise en deux catégories et vous allez mieux comprendre dans ce qui va suivre. Vous allez mieux comprendre dans ce qui va suivre. Donc, on a dit, dans cette deuxième tendance, eux, ils considèrent que la meilleure des adorations et la plus profitable, c'est l'ascétisme. Pour résumer, c'est l'ascétisme. Sauf que ceux qui considèrent cela, il y a deux catégories. La catégorie de Awwamuha, c'est la première catégorie. Eux, ils pensent que c'est l'objectif en soi. Que la plus grande adoration, c'est l'ascétisme, Az-Zuhd, et que c'est l'objectif en soi de renoncer à cette vie d'ici-bas. Ils pensent cela. Al-Khawas, eux, l'élite, eux, plutôt que c'est plutôt un moyen. Ils considèrent que Az-Zuhd, c'est un moyen pour parvenir à un objectif bien plus noble. Un objectif bien plus noble. Sinon, eux, ils considèrent que أن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان ثم هؤلاء قسمان. Maintenant, ce qui concerne l'élite, qui eux considèrent que le zuhd, c'est un comme il est dit, que le zuhd c'est un moyen pour parvenir à ce qui est plus noble. Eux maintenant, cette catégorie-là de l'élite se divise en deux. Et vous allez comprendre. فَالْعَارِفُونَ Il y a ce qu'on appelle الْعَارِفُونَ Et il y a Al-Munharifun. Al-Arifun, parmi eux, les connaisseurs, si on peut traduire d'une manière littérale, les connaisseurs parmi eux, ou les initiés plutôt, parmi eux. Qalu, إذا جاء الأمر والنهي بادروا إلي ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. Eux, les initiés, ils considèrent la première catégorie parmi la deuxième catégorie de l'élite. Eux, les initiés, ils s'empressent de se soumettre au commandement, bien qu'ils peuvent éparpiller leur intention. Bien qu'ils peuvent éparpiller leur intention. On va l'expliquer, vous allez comprendre, Inch'Allah. D'autre part, il y a Al-Munharifun, ceux qui ont dévié, les égarés parmi eux. Al-Munharifun aminhum yaqulun al-maqsoudu min al-qalbi jam'iyatuhum. Jam'iyatuhum. De sorte, fa'idha ja'a al-amr yufarriquhu anillahi lam yaltafit ilay wa yaqulun يطالب بالأوراد من هو غافل فكيف بقلب كل أوقاته ورد. Eux, la deuxième catégorie, Al-Munharifun, ceux qui ont les égarés parmi eux, considèrent que la seule fonction du cœur est de rester concentré sur Allah. Ils ne se laissent pas distraire par les commandements divins sous prétexte que ils disent, dans un vers, dans un poème traduction relative, les rituels quotidiens sont pour les distraits, mais que penser d'un cœur constamment absorbé? C'est un vers de poème qu'on va expliquer, vous allez comprendre, Inch'Allah. L'auteur va dire, ces derniers se divisent également en deux catégories. Ces derniers se divisent également en deux catégories. Donc avant d'expliquer les deux catégories de ces derniers, on va revenir aux deux catégories précédentes pour mieux comprendre. Donc lorsqu'on a parlé de l'élite, ceux qui sont considèrent que le zohd, c'est un moyen menant vers ce qui est plus noble. On a dit que cette élite maintenant se divise en deux catégories. Ceux que lorsqu'un ordre divin parvient, ils délaissent leur occupation, qu'on va expliquer, pour répondre à l'ordre divin. C'est ceux-là qui sont nommés les initiés, Al-Arifun, parmi eux. Et il y a ceux qui ne vont pas délaisser ce qu'ils sont en train de faire pour répondre à l'ordre divin et au commandement divin. En d'autres termes, pour mieux comprendre, dans la catégorie de l'élite, ils considèrent que le plus important, c'est de remplir son cœur de l'amour d'Allah, de la pleine rémission d'Allah, de l'évocation d'Allah. C'est que le cœur soit rempli. C'est ce qu'ils appellent Jama'iyat al-Qalb. De sorte qu'ensuite, à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'évoquer, de passer du temps à remplir son cœur d'amour, c'est ça pour eux, le but. C'est que le cœur soit rempli d'amour du Créateur et donc ensuite qu'il y ait une pleine rémission, ce qu'on appelle At-Tawakkul ou Al-Inabatu Ilay, et donc que le cœur donc soit rempli de ses adorations. Regardez ce qu'ils disent, il consiste à vouer son adoration à l'adoration ou à vouer son cœur à l'adoration d'Allah en le remplissant de son amour et de sa dévotion. Et donc c'est d'agir, d'évoquer Allah pour que son cœur soit rempli de dévotion et d'amour comme on l'a dit précédemment. Alors l'individu s'en remet ainsi totalement à lui et toute son attention est consacrée à son agrément. À ce moment-là, et là vous allez bien comprendre leur ambiguïté, c'est qu'à ce moment-là, lorsque le cœur est rempli d'amour et de dévotion du Créateur, et donc eux, ils invoquent Allah Azzawajal, et leur but c'est cela. Et donc, pour cette fraction-là, l'élite, le but c'est que le zoud, c'est un moyen l'ascétisme et le renoncement à cette vie d'ici-bas, c'est un moyen menant à cela. À Jama'at al-Qalb. Et ensuite, du fait qu'ils vont passer ce temps à invoquer Allah Azza wa Jal et à remplir leur cœur de dévotion, ensuite, ils vont trouver une quiétude. Ils vont trouver une sérénité. Une sérénité et une quiétude. Et ils disent, c'est ça le but. C'est de trouver cette sérénité, cette quiétude, de sorte que ensuite l'adorateur, le dévot, son cœur est rempli de dévotion et ne s'en remet qu'à Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, si un ordre divin, un commandement divin parvint, alors il y a deux catégories. Ceux qui vont répondre à l'ordre divin et ceux qui ne vont pas répondre à l'ordre divin. C'est-à-dire, lorsqu'on dit si un ordre divin parvint, c'est-à-dire la prière, par exemple, si c'est l'heure de la prière, si c'est l'heure d'une adoration, un commandement, un ordre divin. Al-Alifoun, ils vont quitter cette situation pour répondre à l'ordre divin. Lakin, la deuxième catégorie, Al-Munhalifoun, ils ne vont pas quitter cette situation-là. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que c'est celle-ci qui est voulue et qui est demandée et qui est la meilleure adoration. Donc, ils ne vont pas quitter cet état-là, Jama'iyat al-Qalb, ils ne vont pas le laisser et quitter cette situation, et donc, ils ne vont pas répondre à l'ordre divin. Si par exemple, c'est Waqt al-Salat, Ma'al Jama'a, ils ne vont pas répondre. Donc là, on va le relire, et là, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Lorsqu'il dit, donc, l'individu s'en remet ainsi totalement à lui et toute son attention est consacrée à son agrément. La meilleure adoration serait donc d'évoquer Allah en permanence avec le cœur et la langue. On a dit ça que ce n'est pas faux, c'est authentique. La meilleure adoration donc serait donc d'évoquer Allah en permanence avec le cœur et la langue. Par ailleurs, l'élite se divise en deux catégories. D'une part, il y a les initiés qui s'empressent de se soumettre au commandement, bien qu'ils peuvent éparpiller leur intention. Est-ce que vous comprenez maintenant lorsqu'on relit ? Regardez, d'une part, la première catégorie, Al-Alifoun, les initiés, qui s'empressent de se soumettre au commandement, bien qu'ils peuvent éparpiller leur intention, alors qu'ils étaient fidèles, alors qu'ils étaient dans l'évocation d'Allah, alors qu'ils étaient en train de remplir leur cœur de dévotion d'Allah, de pleine rémission, de tawakkul, d'amour d'Allah, eux, ensuite, si l'ordre divin arrive, comme par exemple l'ordre à la prière, la première catégorie parmi eux, les initiés, eux, alors, ils vont délaisser cette situation et vont s'empresser à se soumettre au commandement divin, au commandement d'Allah, Azza wa Jal. Mais, al-munhalifuna minhum, la deuxième catégorie qu'il cite, al-munhalifuna minhum, par contre, ceux qui ont dévié parmi eux, eux par contre, ils considèrent que la seule fonction du cœur est de rester concentré. La seule fonction du cœur, ils considèrent, c'est que le cœur reste concentré, c'est-à-dire rempli de dévotion et rempli de ces adorations du cœur. Donc pour eux, si l'ordre divin vient, ils ne se soumettent pas à l'ordre divin. Puisque pour eux, se soumettre à l'ordre divin est moindre que rester sur cette situation-là. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ils considèrent qu'ils ont atteint l'objectif. Du fait que le cœur est rempli de dévotion, et donc, ils sont dans une situation de recueillement, de concentration, ils sont dans une situation de sakina. Ils ressentent as-sakina et al-waqar. Ils ressentent cela, cette quiétude, alors ils considèrent que c'est ça le but. C'est ça le but. Que le cœur soit rempli de la dévotion et de ces adorations-là pour atteindre cet état-là. Et donc, s'il vient l'ordre divin, ils vont pas se soumettre à l'ordre divin. Regardez, maintenant vous allez mieux comprendre la parole de l'auteur. D'autre part, il y a les égarés parmi eux, pour qui la seule fonction du cœur est de rester concentré sur Allah. Et il ne se laisse pas distraire par les commandements divins sous prétexte que. Vous avez compris maintenant la parole de l'auteur ? Et il ne se laisse pas distraire par les commandements d'Allah. Pour eux, s'ils répondent aux commandements divins, c'est se laisser distraire. C'est se laisser distraire. Et c'est pour cela qu'ils scandent les vers d'un poème, les vers d'un poème célèbre chez eux, en disant, c'est là qu'ils disent, يُطَالَبُ بِالْأَوْرَادِ مَنْ هُوَ غَافِلٌ فَكَيْفَ بِقَلْبٍ كُلُّ أَوْقَاتِهِ وَرْدُ. Et eux, ils disent ensuite, les rituels quotidiens sont pour les distraits. Mais que penser d'un cœur constamment absorbé ? Donc ils considèrent que celui qui est distrait, il répond à l'ordre divin. Mais quel est le cas d'un cœur qui est constamment absorbé ? C'est-à-dire le cœur qui est constamment rempli de ces adorations qu'on vient de citer du cœur, de dévotion, d'amour du Créateur. Et donc eux, ils veulent rester dans cet état-là, dans cette situation-là, de quiétude, de concentration, de cœur rempli d'adoration. Est-ce que jusque-là, vous avez compris ce que dit l'auteur ? Donc maintenant, si on relit ça en arabe, vous allez mieux comprendre. « Qala al-khawas » Donc tout ça, c'est concernant la catégorie des élites. Des élites. Puisqu'on a dit la masse et les élites. « Ra'u hadha maqsoudan li ghayrihi » أن المقصود به عقوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته فرأوا أفضل العبادة دوام ذكره بالقلب واللسان ثم أولى قال المصنف رحمه الله تعالى ثم هؤلاء قسمان فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. Vous avez vu ? En arabe, on comprend mieux. « Iza ja al-amr wa nahi » Donc pour eux, lorsque vient, arrive l'ordre ou l'interdiction, « Badaru ilay » Ils s'empressent à répondre à l'ordre divin. Ça, c'est « al-qism al-awwal » al-arifun. « Walau farraqahum wa adhaba jam'ayatahum » Même si ça doit leur faire quitter cet état et cette situation dans laquelle ils étaient. Jama'iyat al-qalb. Le fait que leur cœur était concentré, ils étaient fait d'Allah, ils étaient dans l'évocation d'Allah, ils étaient en train de remplir leur cœur de ces adorations. Mais si l'ordre et l'interdit d'Allah Azza wa Jal arrivent, alors ils répondent à l'ordre d'Allah. Wadah al-kalam, vous comprenez ? Taïb. Al-munharifuna minhum, on peut rester sans le terme en arabe. Eux, المنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته. Le but pour le cœur, c'est qu'il soit rempli de dévotion. C'est ça, il faut le remplir d'adoration et de dévotion. فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. Et donc pour eux, si vient un ordre qui peut distraire et détourner le cœur de cette dévotion-là et de cette concentration-là, l'homme yultafat ilay. Il ne se détourne pas et se laisse pas distraire. Parce que pour eux, répondre à l'ordre divin, ça serait être distrait. Et c'est là qu'ils disent, ويقولون يطلب بالأوراد من هو غافل فكيف بقلب كل أوقاته ورد ثم هؤلاء أيضا قسمان. Et maintenant, cette deuxième catégorie, Al-Munharifun, ceux qui ont dévié, parmi eux, Al-Munharifun, eux aussi se divisent en deux catégories. Donc, pour schématiser, très simplement synthétiser. Lorsqu'on a parlé de la deuxième catégorie, concernant quelle est la meilleure adoration, eux, cette deuxième catégorie, ils considèrent que la meilleure adoration, c'est Az-Zuhd, l'ascétisme. Et le renoncement à cette vie d'ici-bas. Et on a parlé hier, qu'est-ce que le réel renoncement de cette vie d'ici-bas et c'est quoi le réel Zod ? Ceux qui considèrent que la meilleure adoration c'est Zod et le renoncement de cette vie d'ici-bas, se divise en deux catégories. Al-awam ou al-khawas. La masse, le commun des gens et l'élite. On a parlé du commun, qui pour eux considèrent que la différence entre les deux, c'est que la masse, le commun des gens, considère que le zohd, l'ascétisme, c'est l'objectif en soi à atteindre, c'est zohd, et c'est plus important que l'ilm ou l'ibada même, et que l'adoration, c'est plus important. L'objectif en soi à atteindre, c'est zohd, pour eux. L'élite, non. Eux considèrent, al-khawas, que le zohd, c'est un objectif. C'est un moyen menant à l'objectif. Un moyen menant à un objectif plus important. Pour eux, l'objectif plus important, c'est de remplir le cœur de dévotion, d'amour du Créateur, de ses adorations du cœur. C'est ça. Être concentré, être dévoué. Sauf qu'ensuite, cette catégorie-là d'élite se divise en deux catégories. Lorsqu'un ordre divin parvint, ceux qui répondent, et c'est ceux qui sont appelés et qui se soumettent à l'ordre divin, c'est ceux qui sont appelés Al-Alifoun, et ceux Al-Munhalifoun, qui ne veulent pas se laisser distraire, ils pensent que ça serait se laisser distraire. Alors que le but, en soi, c'est que le cœur soit rempli. Et lorsqu'ils arrivent à cette situation, que le cœur est rempli de dévotion et d'adoration, c'est ça qu'il faut atteindre. Donc, s'il y a un ordre divin à la prière, ils ne vont pas se laisser distraire parce qu'ils ont... Ils sont en train d'atteindre ce qu'il faut atteindre, en d'autres termes, ce qu'il faut atteindre. Sauf que eux, maintenant, se divisent en deux catégories, dit l'auteur. Se divisent en deux catégories. Minhum man yatruku al-wajibat wal-fara'id li-jama'iyati. Parmi eux, ceux qui vont délaisser les prescriptions, les obligations, al-fard wal-wajibat. Ils sont prêts à délaisser al-wajibat wal-fara'id. Quand il dit li jama'iyati, jama'iyati al-qalb. Si eux, le but, comme on a dit précédemment, c'est que le cœur soit rempli de ses adorations, la dévotion. Donc de sorte que eux, la première catégorie parmi eux, ils délaissent même les obligations, al-wajibat, les devoirs, ou al-fara'id, et les prescriptions. Wa minhum, la deuxième parmi eux, man yaqumu biha. La deuxième catégorie parmi eux, ils ne vont pas délaisser les prescriptions et les obligations, mais ils vont délaisser pour cela as-sunan wa an-nawafil, les surrogatoires, et délaisser l'apprentissage du savoir bénéfique, al-ilm li-jama'iyati, par rapport au fait de remplir son cœur de dévotion et de ses adorations qu'on a citées précédemment. Regardez ce que va dire l'auteur de Ifadatul Mustafid. Regardez ce qu'il va dire sur ce passage-là dans l'explication. قال ثم بين المؤلف فقال والحق أن الجمعية حظ القلب. الجمعية يعني اقتصار القلب فالمسلم يقوم بحق الله ويعطي نفسه حقها فلا يعطي نفسه حقها ويترك حق الله ولا يكون كمن يترك الفرائض ويتركون النوافل ويتركون طلب العلم ويقولون نحن نتفرغ لقلوبنا لذكر الله ومناجاة الله عز وجل هذا غلط قال الشيخ. Qu'est-ce qui peut m'expliquer cette partie-là? Je vous le relis et je vous la dis en français. Concentrez-vous sur ce que dit Shir. Regardez ce que Shir va dire, l'auteur du commentaire. Il va parler de Al-Jama'iyya, ce que l'auteur appelle Jama'iyyat al-Qalb. Jama'iyyat al-Qalb, iqtisar al-Qalb. C'est se restreindre, en quelque sorte, à remplir son cœur de ses adorations du cœur. قال فالمسلم يقوم بحق الله. Je vous traduis en français. Vous me dites ce que vous comprenez. Il dit le musulman, Parce que lorsqu'on observe l'explication de Cheikh, on se dit pourquoi Cheikh il dit ça. Mais ce n'est pas en vain. Il dit, pour répondre à ça, le musulman, yaqoum bihaqillah, accomplit le droit d'Allah, azza wa jal. Wa yu'ti nafsahu haqqaha. Et il donne à son être aussi son droit. Fala yu'ti nafsahu haqqaha wa yatruk haqqallah. Donc il ne donne pas à son nafs, à son âme, à son être, son droit et il délaisse le droit d'Allah. Wala yakun. Juste cette partie-là, pour le moment, suffit. Donc il dit, traduit quand même la suite, وَلَا يَكُنْ كَمَنْ يَتْرُكُ الْفَرَائِضِ وَيَتْرُكُ النَّوَافِلِ وَيَتْرُكُ طَلَبَ الْعِلْمِ. Et il n'est pas comme celui qui va délaisser les obligations, les prescriptions, les surrogatoires, et délaisser طَلَبَ الْعِلْمِ, l'apprentissage du savoir. يَقُولُونَ نَحْنُ مَتَفَرِّغْ لِقُلُوبِنَا. Ils disent, nous, on se préoccupe à remplir nos cœurs de ces adorations. La préoccupation, c'est le cœur, al-qalb. Les écrits d'Allah wa munajat Allah azza wa jal, pour évoquer Allah et avoir cette relation avec leur créateur. Et Cheikh dit, hadha ghalat. Ça, c'est une erreur. Donc, je vous répète ce que je vous demande de me dire. Regardez, l'auteur, il dit, le musulman, donc, c'est d'accomplir le droit d'Allah et aussi de donner à son être, à son nef, son droit aussi. Mais ne pas donner à son nef, à son être, son droit et de délaisser le droit d'Allah. Qu'est-ce que peut m'expliquer le rapport? Dans ce que dit Cheikh par rapport au sujet qu'on vient d'évoquer. Le fait qu'ils sont dans une situation de recueillement, dans une situation de recueillement, de dévotion, ils veulent remplir leur cœur d'adoration et que c'est ça le but. Non, on pas par rapport aux prescriptions. Vous allez voir, c'est subtil. Et c'est très pertinent. Regardez, Cheikh, il dit, c'est juste cette phrase. فَالْمُسْلِمُ يَقُومُ بِحَقِّ اللَّهِ. C'est comme si là, il les corrige. Qu'est-ce qu'il faut que le musulman fasse par rapport à eux? Pourquoi? Je vous aide. Pourquoi leur conception, elle est erronée, elle est fausse? Il dit, فَالْمُسْلِمُ يَقُومُ بِحَقِّ اللَّهِ وَيَعْطِي نَفْسَهُ حَقَّهَا. Il doit accomplir le droit d'Allah et donner à son nefs, à son être, son droit. Mais pourquoi il dit ça par rapport à cela? Ma le maqsoud bi aradu islah anfusihim? انت قريب جدا قريب جدا جدا قريب regardez Oui, mais pourquoi l'auteur dit ils doivent donner le droit d'Allah et le droit à leur être? Parce que quand ils remplissent leur cœur d'adoration, eux, qu'est-ce qu'ils veulent être dans quelle situation? Ils se retrouvent dans quelle situation pour qu'ensuite ils ne veulent pas délaisser ils veulent pas aller vers l'adoration? Malgré qu'eux, ils sont dans l'adoration. Mais on a dit ils se retrouvent dans une situation de... Non, non. عند جماعة القلب ما حالهم qu'est-ce qu'ils ressentent? C'est qui a dit Sakina? Et son fils Sakina Wahudu, ils ressentent une quiétude, de la concentration, du recueillement, du calme. واضح؟ voyez le lien ou pas? Regardez, l'auteur le dit juste après. C'est très subtil. Regardez ce que va dire l'auteur, et là vous allez bien le comprendre. Il dit والحق, lorsqu'il va citer cela, منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعياته ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته قال والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب فمن آثر حق نفسي على حق ربه فليس من العبادة في شيء. Regardez, la réponse elle est là dans ce que dit l'auteur. Je vous le traduis en français, c'est très pertinent. Il dit, en réalité, ne pas éparpiller son cœur concerne uniquement cet organe, mais répondre aux prêches de Mohammed, c'est un devoir que l'on rend au Seigneur. Quiconque favorise ses droits personnels à ceux du Seigneur n'a aucun mérite. Je vous l'explique, vous allez comprendre. Pourquoi Shir, dans Ifadat al-Mustafid, il dit cette phrase. On réfléchit à cette phrase, on se dit, mais pourquoi cette phrase ? فَالْمُسْلِمْ يَقُمْ بِحَقِّ اللَّهِ وَيُعْتِي نَفْسَهُ حَقَّهُ. Parce qu'ils sont dans l'adoration d'Allah. Puisqu'ils sont en train de remplir leur cœur de dévotion, d'amour d'Allah. Donc ils sont dans l'adoration. Mais en fait, les savants, dans l'explication de ce point-là, ils disent, eux, leur but ensuite, c'est d'atteindre un état de dévotion, un état de sakina, de calme, de paix. Et donc, lorsqu'ils arrivent à cette situation et cet état-là, donc, ils veulent pas quitter cet état. Et là, les savants, en réalité, ils disent, ça, c'est le bien-être personnel, c'est nefs, en vérité. Lorsqu'ils arrivent dans une situation de recueillement, et là, ils ressentent de la sakina, de la quiétude, du calme, de l'apaisement. Ils disent, c'est ça, il faut parvenir à cela. Donc lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation-là, ils ne vont pas quitter cette situation-là pour répondre à l'ordre divin. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'était ça le but en soi. Mais là, regardez l'observation des savants. Ils ont dit, en réalité, c'est le bien-être du nefs à ce moment-là. Cet état-là, leur situation, elle revient en réalité au bien-être du nefs. Or, ils disent, il faut donner le droit d'Allah et aussi le droit du nefs, mais pas délaisser le droit d'Allah pour son nefs. Or, ils disent, lorsqu'ils n'ont pas répondu à l'ordre divin, c'était parce qu'ils ont fait prévaloir leur nefs. Vous avez compris la subtilité ? Et c'est pour ça, maintenant, on comprend. Lorsque Shir, il dit, الجمعيه يعني اقتصار القلب فالمسلم يقوم بحق الله ويعطي نفسه حقها فلا يعطي نفسه حقها ويترك حق الله. Là on comprend mieux, parce qu'au départ on dit à quel moment eux ils ont fait prévaloir leur nefs. Et bien c'est dans cette observation. En réalité, eux ils pensent qu'ils sont dans l'adoration d'Allah, sauf que le but c'était d'atteindre un niveau de concentration et de sérénité. Et lorsqu'ils ont atteint cette sérénité, cette situation et cet état-là, ils ne veulent pas quitter cet état. Parce qu'ils considèrent que c'est ça le but en soi. Or, les savants dans leur observation, ils ont dit, mais ça c'est lié au nefs. C'est un bien-être personnel, ce n'est pas l'adoration. Puisque l'adoration, maintenant l'ordre divin est venu, c'est d'aller faire la salat. Ça c'est le droit d'Allah. Mais au moment dans la situation que eux ils considèrent comme l'objectif, c'est pas l'adoration, c'est un état personnel. Et là, après cette observation-là, on comprend quand le cheikh dit dans l'explication, le musulman doit accomplir le devoir, le droit de son créateur, et doit donner aussi à son être son droit. Sauf, il dit, il ne donne pas à son être son droit pour délaisser le droit du créateur. Et donc, il ne doit pas faire partie de ceux qui laissent les prescriptions et les surrogatoires, et il laisse l'apprentissage du savoir, en disant, je veux remplir mon cœur. En disant que mon but est de remplir le cœur des vocations d'Allah. Et c'est pour ça qu'il dit, fa'hada ghalat. Fa'hada ghalat. Et donc, c'est très pertinent l'observation que fait Ibn Qayyim, puisque ça, on trouve dans Madarij al-Salikin d'Ibn Qayyim, que transmet l'auteur, justement, Al-Maqrizi. Et donc, « wal-haq », maintenant, on le comprend mieux en arabe. En arabe, c'est très clair. Il dit « wal-haq »« an al-jam'iyya hav al-qalb ». Ce que eux ils appellent al-jam'iyya, rassembler, remplir le cœur de ces adorations-là, c'est la part du cœur. Mais il dit « wa ijabatu da'i Allah haq rabb ». Mais répondre à l'ordre divin, c'est le droit de qui ? Du Créateur. فَمَنْ أَثَرَ حَقَّ نَفْسِ عَلَى حَقَّ رَبِّهِ فَلَيْسَ مِنَ الْعِبَادَةِ فِي شَيْءٍ. Et pour ça, l'auteur dit, celui qui fera donc passer le droit de son nefs au détriment du droit du Créateur, alors cela ne fait pas partie de l'adoration littéralement. Cela ne fait pas partie de l'adoration. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى والصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوا أفضل من النفع القاصر فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير فأين أحدهما من الآخر ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Dans cette troisième tendance maintenant, cette troisième conception par rapport à la meilleure adoration. Cette troisième tendance, eux, ils considèrent que la meilleure adoration, c'est celle dont il y a un profit pour autrui. C'est celle dont il y a profit pour autrui. Farao afdal min an-naf'i al-qasir farao khidmat al-fuqara wa al-ishtighal bi masalih an-nas. Eux, ils ont considéré que d'être dans l'entraide des indigents, d'aider les pauvres, ou l'ishtiral bima salih an-nas, de se concentrer à s'entraider, à aider les autres pour accéder à l'intérêt des gens et ce qui leur est profitable, wa qada hawaijihim, et les aider dans l'observation de ce qu'ils doivent faire, wa musa'adatuhum bil jahi wal mali wan naf' afdal. Ils ont considéré donc aider les autres en utilisant par exemple son argent, ses biens, son rang social est plus bénéfique. Donc quand ici, eux, ils considèrent que quand l'adoration, elle profite à autrui aussi, mais ce n'est pas qu'un bien personnel, mais elle est profitable pour autrui, que celle-ci est préférable. En d'autres termes, une traduction relative de ce que dit l'auteur. Pour d'autres, la meilleure adoration, dont les bienfaits ne se limitent pas à l'adorateur. Les bienfaits et l'intérêt ne se limitent pas à l'adorateur. Consiste à être utile aux autres. Ils se mettent ainsi au service des pauvres et ils cherchent à aider les gens, soit avec leur argent, soit en utilisant leur rang. Ils s'inspirent du hadith, les créatures sont les enfants ou la famille d'Allah. Ici, enfant, ayal, ce qu'ils ont traduit par enfant, c'est, les savants disent, fuqara, les pauvres. Dans l'explication, les pauvres ici, ça a été traduit littéralement. Mais dans l'explication, c'est les pauvres, sont indigents. Les plus aimées pour lui, c'est celle qui se rend la plus utile à ses enfants. Mais ce récit est considéré comme daif. Le récit est jugé faible. Comme vous pouvez le retrouver dans Silsilat Daifa, le Shir al-Albani. Et ce récit est rapporté par Abu Ya'la, al-Bazzar wa al-Tabarani dans al-Kabir. L'adorateur, l'auteur dit, est utile à lui-même, mais les bienfaits des altruistes s'étendent aux autres. Et ils ne peuvent, en tout état de cause, être comparables. Cette partie-là, cette tendance-là, les savants disent que cette conception est vraie. Cette tendance-là, leur conception est authentique, ils disent. le fait que lorsque l'adoration aussi il y a un profit pour autrui, que celle-ci soit immensément bénéfique et qu'elle fasse partie des meilleures adorations, ils disent l'avis de cette tendance-là est véridique. Lahu wajh. Lahu wajh. Ensuite, l'auteur, regardez, donc il dit, pour répéter en arabe, As-sinfu al-thalith, rawu anna afdal al-ibadat man kana fihi naf'un muta'addin. Naf'un muta'addin. Tafadhal. قال المصنف رحمه الله في الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوا أفضل من النفع القاصر فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاء والمال والنفع أفضل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله في شرح الحديث العيال بمعنى الفقراء الفقراء كما سنرى لكن الحديث ضعيف في رواه أبو يعلى والبزار وفيه يوسف ابن عطية الصفار وهو متروك وهو متروك وكذلك أخرجه الإمام الطبراني ثم ذكر المصنف رحمه الله قالوا عمل العابد قاصر على نفسه عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد متعد إلى الغير فأين أحدهما من الآخر ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Et là, l'auteur ensuite, pour terminer, donne un bon exemple. Il dit que cette tendance-là, on considérait que l'adoration qui est profitable et bénéfique aussi, où il y a un profit pour autrui, est meilleure. Est meilleure. Et il dit, Qalou, il dit par exemple, l'auteur dit que celui qui adore, mais le bien n'est que personnel, et il n'y a pas de profit pour autrui, n'est pas comme celui qui est bénéfique pour les autres. Celui qui est bénéfique et que son bien profite aux autres. فَأَيْنَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَيْنَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ Il dit la différence entre les deux. Il va donner l'exemple avec un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne l'exemple du simple dévot et du savant. La différence qu'il y a entre un simple dévot et le savant. Le simple dévot, lui, il adore, il est fervent dans l'adoration, mais son adoration ne porte qu'intérêt à lui. Tandis que le savant, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il est fervent dévot, mais aussi, avec son savoir, il est profitable pour les autres. Donc il profite aux autres. Il est dans l'entraide des autres. Comme va dire le shir, ensuite on verra cela demain, il dit quel est le cas de celui yu'allim wa yufti wa yufsil bayna an-nas 'ind al-ikhtilaf. Par exemple, cette personne, donc il a un profit. Il profite aux autres. Il est utile pour les autres. Il dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la comparaison entre le dévot et le savant. Et il a dit فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Vous avez vu les étoiles, les constellations, les astres. Elles illuminent que elles. Et elles ont un profit, elles ont un profit, mais ce profit-là est incomparable avec le profit de la lune, surtout en temps de pleine lune. La moitié du mois, le 15 du mois, la nuit, la lune est complète. C'est ce qu'on appelle Laylat al-Badr. Et donc, la lune, par rapport aux autres astres ou aux étoiles, elle illumine. Et donc, on peut s'illuminer. Il y a de la lumière. Elle illumine la terre. Et donc, les êtres humains profitent de sa lumière. Tandis que les simples étoiles, on ne profite pas de leur lumière. Bien sûr, elles ont des bienfaits. Elles embellissent le ciel, elles sont un embellissement, une parure pour le ciel. On peut se diriger en suivant les étoiles et aussi elles sont lapidation pour Shayatin. Mais elles n'illuminent pas la Toudi, elles n'illuminent pas les gens sur la terre. Lakin al-Qamar, la lune, elle, lorsqu'elle est en pleine lune, on profite de sa lumière. Et donc il y a de la lumière. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال العلماء الكوكب لا يضيء للناس ولا ينفعهم إنما ينفعهم بالاقتداء والاهتداء في السفر فقط لكنه لا يضيء لهم الطريق بخلاف القمر فإنه يضيء لهم